La música i la companyia, una setmana més a través d'aquest nostre espai. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Comença ara mateix el que és Oh La La Music, el programa de música en francès. Ràpidament estarem amb vosaltres i us portem bona música a càrrec de les nostres pròpies cançons que creiem que són oportunes per al programa d'avui, però també de, com sempre, els nostres col·laboradors, en Hamid, en Cyril Torres, l'Àngel Rodríguez i la Norma. Comencem amb la Norma, que avui ens porta, ens recomana tres cançons d'una vocalista excepcional. Concretament és la Patricia Cass, nascuda a Forbach el 5 de desembre del 1966. Aquesta cantant francesa, candidata a Marianne, personificació de la República l'any 2000. Una família de mare alemanya i de pare miner francès. La Patricia Cass ens portarà tres cançons recomanades per la Norma. Una d'elles és aquesta, la primera que escoltem, Mon Mec à moi. Il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. C'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Després d'aquesta cançó amb la qual hem obert el nostre programa d'aquesta setmana, ens sentim una segona, també una recomanació d'aquesta, la nostra col·laboradora de la Norma, que avui s'ha centrat en la figura de Patricia Kaas. L'escoltem amb la cançó anomenada Ell m'ha dit que sóc vella. Quand le temps se lasse de l'être que tu es, plus une seconde ne passe dans les vies d'uniformité. Quand de peine en méfiance, de larmes en plus jamais, puis de dépit en défiance, on apprend à se résigner. Viennent les heures sombres où tout peut enfin s'allumer. Quand les vies ne sont plus courtes, restent nos rêves à inventer. Il dit que je suis belle, il n'attendait que moi. Il me dit que je suis seule, juste faite pour ses bras. Il parle comme en caresse, un mot qui n'existe pas, toujours et de tendresse. Je n'entends que sa voix. Éviter les regards, prendre cet air absent, celui qu'ont les gens sur les boulevards, c'est elle qui les rend transparents. Apprendre à tourner les yeux qui s'aime, éviter tous ceux qui marchent à deux, ceux qui s'embrassent, perdre un lieu. Y a-t-il un soir, un moment où l'on se dit c'est plus pour moi, tous les mots doux, les coups de sang, mais dans mes rêves j'y ai droit. En directe l'hem escoltat, aquesta peça de la Patricia Cass, m'encanta també la seva veu, i per això avui hem escoltat alguna de les cançons que en formaven part. Aquest tema que escoltem, el tercer i darrer que ens sentim en el programa d'avui, recomanat per la Norma en el començament del nostre programa, és un tema que pertany a un àlbum de la Patricia Cass del 2002. Artiste, peintre, comédien, souvent les hommes qui passent, maman m'offre toujours une jolie chambre avec terrasse, maman les hommes qui passent, je sens qu'ils ont le cœur à marée basse des envies d'océan les hommes qui Aquesta era la música, la companyia de Patricia Cass a través del nostre espai. Anem cap a la segona de les col·laboracions. Avui amb el nostre programa ens acompanyarà el bon amic Àngel Rodríguez, que avui ens porta una altra de les seves col·laboracions. Bon dia, Àngel, molt benvingut. Axel Red és el nom artístic de Fabienne de Mal, cantautora belga nascuda l'any 1968. Canta en francès, anglès i fins i tot en castellà. Actualment gaudeix de molta fama al seu país i també a França. Us oferim avui la peça sortida l'any 1993 titulada Le Monde Tourne Mal. Quelque chose de bancal dans son tempo. Le monde tourne mal. Dans la grande sono mondiale, ça sonne faux. Y'a des milliards de personnes qui la squattent, qui la sonnent, qui dansent dessus. Mais chacun marque son rythme, chacun veut chanter son hymne, on ne s'entend plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Let's dance. Le monde tourne mal. Il y a des parfums de scandale sur sa peau. Le monde tourne mal. Elle veut jouer les étoiles dans les journaux. Qui la prenne pour une cible, qui lui balance la missile, on ne s'entend plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Let's dance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tots després de la companyia de l'Àngel i la cançó de l'Axel Red, aquest que ens comentava, Le Monde au Mal. Continuem i ho fem amb un cantant que ens descobrirem les seves cançons al pop actual francès. De fet, ell és franco-israelí, nascut a París, a França, el 20 de juny de 1984, nacionalitat francesa, i que es diu Laurent Ami Khalifa Kedir Haddad, amb el seu nom artístic d'Amir. És un personatge que va sortir a la fama el 2006 després de participar al programa anomenat Kokaf Nolat. El 2011 llançava el seu primer àlbum titulat Bayegui i el 2014 va ser tercer finalista de la Veu de França. Va ser elegit per France Television representant a França a Eurovisió 2006 amb el tema que escoltarem, GGG, que va acabar en sisena posició, el millor lloc que ha obtingut França a Eurovisió des del 2002. Una cançó després també inclosa amb el seu àlbum de 2016, O Cor d'Amor, que és el que avui repassarem amb l'Amir. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi, tu as tué la peur qui dans mes ser el primer senzill que es va extreure d'aquest àlbum, una cançó destacada, com hem dit, per al festival també d'Eurovisió. Poc a poc després, entre el 2016 i el 2017, sortien més senzills d'aquest disc. Un d'ells era el que va sortir en segon lloc, una altra de les cançons destacades a la ràdio francesa. Oh,

pas. Mais au bord du chaos, si je tombe, tiens-moi. Sembla mentida, però van passant els programes i en tenim uns quants. El que encara tenim pendent, i tenim pendent, i cada vegada que me'n recordo, doncs em poso negre, perquè a en Ciril ens agradava molt fer unes, no sé si es podia dir baralles de galls, això amb el rap és una altra història, no? Un d'aquells programes a mitges en els quals sembla com si ens n'haguéssim responent un amb els altres. I això queda pendent, però de fet avui ja és el 18è programa d'Ola la Music, en el qual doncs us portem cada setmana una hora de bona música, i una part d'aquesta bona música té el seu nom. Ciril, benvingut. Gràcies, un plaer, evidentment, sempre. Vull dir, 18 o 36, o els programes que calgui. Afortunadament, música n'hi ha molta, o sigui que excuses per fer programes, per fer batalles de galls, per fer partides de ping-pongs musicals, doncs sempre n'hi haurà, i jo crec que ambdós estarem sempre disposats a fer-ho. A vegades és trobar l'estona, o trobar el moment, o la manera, però la música hi és, i les ganes també. Us porto cosetes, evidentment, en col·laboració amb en Fabià, que és qui doncs també participa amb nosaltres, tot i que qui posa la veu en aquest cas sóc jo mateix. Un personatge interessantíssim dels darrers anys, per mi del més interessant i sorprenent que ha sorgit doncs a Europa en els darrers anys. En el meu cas, amb certesa. Ell és belga i és Stromae, segur que l'heu sentit o aquí n'hem posat, i és algú doncs que mereix moltíssima escolta per la seva música, per la seva insolència, per la seva facilitat per conjugar el que seria la música electrònica amb el hip-hop i els nous llenguatges musicals, per unes lletres amb un contingut realment apabullant, i alhora un respecte cap a tot el que són els orígens i tot el que són, diguem, les seves fonts musicals. En aquest cas, des de el que seria la Freda Brussel·les, doncs un homenatge a un personatge també de finals del segle XX, que també va irrompre tard, però va portar moltíssimes coses, o va donar una lectura musical que aquí es desconeixia molt, com era la morna, la música lusòfona, tota la part lusòfona africana, i tota aquesta música africana que surt del que nosaltres considerem habitual, per una raó doncs segurament molt senzilla, que és que no hi ha percussió en els seus temes, i això és el que fa doncs que ens descol·loqui tant. Stromae, en aquest cas, en homenatge a la gran Cesària Évora, amb un tema que es diu Ave Cesària. Sí, no va. Évora, Évora. Évora, Évora. Évora, Évora. Évora, Évora. Les effluves de rhum dans ta voix font tourner la tête, tu me fais danser du bout des doigts, comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette, ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus? Et voilà, et voilà. Tu ne m'aimes plus ou quoi? Et voilà, et voilà. Après tant d'années, et voilà, et voilà.

On est allé au cinéma. Pour voir un film de Peckinpah. Et puis on est rentré à pied. Dîner sur une nappe en papier. On avait dit on ne parle pas. Et j'entendais à peine ses pas. Elle faisait tout bas. La la la. C'était comme ça, à notre avis, qu'on doit se quitter pour la vie. Et je revois nos mains qui tremblent autour de nous, les gens rient. Cette image de nous ensemble, si loin déjà, dans un reflet, elle regardait la rue passer. Tout bas, la la la. Je suis allé dans sa maison. Une pièce et demie, rue Saint-Simon. Pour rechercher mes habitudes. Et pour reprendre ma solitude. Et tout à coup, tout doucement, elle a enlevé ses bas blancs. Elle faisait toujours la la la. Et c'est ainsi, tout simplement. De les tres cançons que us comentàvem des del 1980, tres èxits de la música en francès amb aquests tres extraordinaris artistes. És el moment de la col·laboració d'en Hamid. Sempre la quarta de les col·laboracions amb el nostre espai. Aquí la tenim una vegada més amb aquestes seleccions tan fantàstiques que ens fa el meu bon amic i col·laborador radiofònic d'Hola la Musique, en Hamid. Voici mon ami Hamid Zazul. Bonjour, Rafa. Et Orchestre Baobab nous donne de l'amour, le vrai amour authentique avec une chanson qui s'appelle Kumba. C'est toi qui m'avais dit que le ciel serait toujours bleu. Mais toi tu es parti en oubliant tout ce qu'on s'était dit. Et toi tu es parti en disant que tout était fini. Tout le monde nous regarde maintenant. Je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur. La vie n'a pas beaucoup changé. Tout le monde nous regarde maintenant. Je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur. La vie n'a pas beaucoup changé. m'avais dit que j'étais la lumière de ta vie. C'est toi qui m'avais dit que le ciel serait toujours bleu. Et toi tu es parti en oubliant tout ce qu'on s'était dit. Et toi tu es parti en disant que tout était fini. Tout le monde nous regarde maintenant, je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur, la vie n'a pas beaucoup changé. Tout le monde nous regarde maintenant, je vois que le ciel est toujours bleu. La mer n'a pas changé de couleur, la vie n'a pas beaucoup changé. Musique romantique et suggestive, oui. Very much. C'est trop amoureux. C'est combat. C'est vraiment. C'est basé apparemment sur une vraie histoire. C'est Orchestre Baobab Kumba du Sénégal. Doncs acomiadem el nostre programa per aquesta setmana després de la participació d'en Hamid, ja que hem començat amb Patricia Cas. Escoltarem una altra de les seves cançons en directe amb aquest cas. I ho fem amb aquesta darrera setmana a Nova York. Salutacions de Rafael Corbí amb el vostre espai. Hola, la Music, música en francès per la vostra sintonia. A reveure. I si la nuit està plus qu'une semaine à vivre, serais-tu prêt à me suivre pour s'endormir ensemble à New York? Et s'il ne nous restait plus qu'une semaine à vivre, serais-tu prêt à me suivre là-bas, le long du Tank? Oh, oh, il n'y aura plus rien que la ville et nous. Chinatown, je saurais te dire les mots tout. Et s'il ne nous restait plus qu'un avion à prendre, saurais-tu me comprendre pour cette dernière semaine à New York? Et s'il ne nous restait plus qu'un avion à prendre, saurais-tu me défendre long guitar, the long guitar.